bien notre amour de ce silence profond. Mêlons nos âmes, nos cœurs et nos sens extasiés parmi les vagues des pins et des arbousiers. Ferme tes yeux à demi, croise tes bras sur ton sein. Ton cœur endormi chasse à jamais tout dessein. Laissons-nous persuader au souffle berceur et doux à tes pieds ridés, les ondes des gazons roux. Et quand solennel le soir des chênes noirs désespoir.